à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Alors, le deuxième mardi du mois est consacré à un magazine juridique et je salue mes invités. Ma collaboratrice, j'allais dire, plutôt, Nancy. Bonsoir à tous, bonsoir Michel. Et puis un invité, j'allais dire surprise, non, pas surprise, c'est un conseiller prud'homal. Donc c'est Jean-Luc Thierry. Bonjour à tous. Voilà, les présentations étant en fait, on pourra parler du conseil de prud'homme, des conseils de prud'homme en général, bien sûr, hein, à travers un historique. Et puis, je ferai simplement la remarque que jeudi soir, il y avait sur la 3, donc une émission qui était consacrée justement au conseil de prud'homme. Mais on a pu parler de la révolution, hein, je crois que c'était pour... véritablement spontanément faire un petit peu le point sur le fonctionnement du conseil de prud'homme, hein, sur le paritarisme en particulier, sur la justice populaire, on pourrait dire. Alors Nancy, le conseil de prud'homme. Le conseil de prud'homme. Alors un petit historique, il a été institué au 19e siècle puisqu'il a été créé en 1806. En réalité, ce sont donc des institutions, comme tu l'as dit, paritaires, puisqu'il y a deux collèges, salariés et employeurs, donc des représentants des salariés et des employeurs. Étant précisé que leur mode d'élection a évolué, puisque au départ, ils étaient élus. Aujourd'hui, ils sont nommés pour 4 ans, conjointement par le ministre. C'était la réforme de 1979. Alors, il y a eu une première réforme, effectivement, en 1979. Là, il y a eu une réforme en 2016 qui a effectivement indiqué que maintenant, les conseillers prud'homaux seraient nommés pour 4 ans, conjointement par arrêté du ministre de la Justice et du ministre du Travail. Sur proposition des organisations. C'est patronales ça. En syndicales. Fonction de leur représentativité, il y a une proposition des différents conseillers et puis ensuite, il y a une nomination. Alors, rapidement, donc deux collèges, on a dit paritaires. Il y a 5 sections au sein du conseil de prud'homme. À l'heure actuelle, ça va peut-être bouger, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a donc une section industrie, une section commerce, une section agriculture, une section activités diverses, qui est parfois un peu la section fourre-tout, on va dire, et puis une section encadrement. Il faut savoir qu'il y a 210 conseils de prud'hommes en France, 14 512, enfin aux dernières statistiques, ça peut voilà, évoluer en général, conseillers prud'hommaux, et environ 200 000 affaires par an. Sauf qu'on y reviendra peut-être aussi. C'est énorme, c'est une juridiction qui est fondamentale, c'est énorme. Mais on parlera peut-être des barèmes Macron qui ont été mis en place en novembre 2017 par les fameuses ordonnances Macron en droit du travail, qui ont eu une existence chaotique, on va dire, pendant 2 ans, hein, puisqu'on a eu de la jurisprudence, cour d'appel, cour de cassation, savoir si oui ou non ils étaient applicables, puisque on leur reprochait d'être non conformes aux traités internationaux. Finalement, on a eu la décision cet été, ils sont applicables. Et ce sont des barèmes qui permettent de fixer un montant de dommages-intérêts forfaitaire en fonction de l'ancienneté du salarié. Et ça, c'est important parce que ça a eu pour conséquence... Et en fonction de la taille de l'entreprise. Et en fonction de la taille de l'entreprise, oui, il y a des critères. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ça a été barémé, donc il y a un forfait. Et le nombre, moi je le vois hein, dans mon cabinet, et je pense que mes confrères aussi, le nombre de recours prud'homaux a baissé. Il avait déjà baissé en 2008 avec la rupture conventionnelle. Alors un bien, un mal, on ne sait pas, il y a toujours du bon et du mauvais. Et puis il a de nouveau baissé par rapport à ses barèmes. On l'expliquera peut-être tout à l'heure pourquoi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour être conseiller prud'homal, il faut être de nationalité française. Je parlerai peut-être, je laisserai la parole à Jean-Luc peut-être qui expliquera, puisque lui l'a été. Avoir 21 ans, avoir exercé une activité professionnelle pendant au moins 2 ans, ou justifier d'un mandat prud'homal. Évidemment, il ne faut pas avoir de mention au casier judiciaire, notamment au B2, au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Tu pourrais préciser ce que c'est que le B2, finalement. Alors, le casier judiciaire... Parce que les gens s'embrouillent un petit peu de savoir, parce que c'est souvent réclamé d'ailleurs pour d'accès dans... Dans l'administration. Dans l'administration, tout en particulier, tout dans à les fait. Administrations. Alors, le casier judiciaire est divisé en trois bulletins, B1, B2, B3. Le B3, c'est, la version la plus light, entre guillemets, c'est-à-dire les condamnations figurent, mais vous n'avez pas tout l'historique, puisqu'il y a des condamnations qui peuvent, il peut y avoir des réhabilitations, il peut y avoir des condamnations qui disparaissent. Y compris pour un excès de vitesse. Dès lors que tu passes devant un tribunal, là, à ce moment-là, il y a mention sur une contravention sur le bord de la route où tu passes pas en CRPC ou des choses comme ça. Non, mais sinon, s'il y a une condamnation, oui, effectivement, c'est mentionné au B3. Au B2, il y a toutes les infractions, c'est plutôt la mémoire, on va dire, et ça, c'est les infractions qui sont véritablement... c'est pas expurgé, c'est-à-dire c'est pas c'est l'intégralité. Et le B1, là, c'est vraiment tout l'historique du passé pénal de la personne. Et là, c'est accessible, effectivement... au magistrat. C'est-à-dire que les condamnations peuvent subsister pendant 30 ans. Les condamnations subsistent et c'est vraiment, la mémoire du passé judiciaire de la personne. Et quand vous passez devant un juge en matière pénale, c'est le B1 qui est accessible au magistrat. Le B2 est un peu plus expurgé, le B3 est encore plus expurgé. Donc ça dépend en fait du degré de confidentialité, on va dire, qu'on recherche par rapport au... Souvent le B3 est demandé, par exemple, pour les inscriptions sur les listes électorales, je crois que c'est le B3. Là, en l'occurrence, pour être conseiller prud'homal, c'est le B2. Et le B1, ce sera celui qui est véritablement l'historique fidèle du passé judiciaire, donc des personnes. Donc pas de mention au B2. Et voilà, donc après, certaines personnes qui sont des retraités, des personnes en recherche d'emploi, peuvent aussi être conseillers prud'homaux. Donc ça donne un panel aussi qui est assez intéressant, parce que c'est un reflet de la société. C'est un reflet véritablement, ce sont des personnes qui jugent leur père, finalement. C'est un petit peu ce qui est intéressant. Je veux dire que c'est des juges populaires. Ce sont des juges populaires, ce ne sont pas des magistrats professionnels, sauf qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas comment c'était un petit peu avant, mais il y a une formation obligatoire qui est faite à l'ENM, c'est-à-dire l'École nationale de la magistrature à Bordeaux, et qui permet justement, alors au départ, je crois que c'est une semaine, je crois, de mémoire, et puis ensuite, il y a des approfondissements. Pour qu'il y ait une véritable formation. Mais peut-être que Jean-Luc pourra nous expliquer. Moi, je ne suis pas passé par ce cursus parce que, on va dire, j'ai quand même pas mal d'ancienneté, donc j'ai échappé à toute cette formation. Mais les nouveaux conseillers, c'est-à-dire les conseillers qui ont été introduits récemment, ont tous été obligés de faire cette formation. Et c'est une formation qui est validée par le ministère de la Justice. Ceux qui ne l'ont pas réussi ne seront pas validés comme juges. Voilà. C'est nouveau par rapport aux précédentes, on va dire, élections. Mm-hmm. Avant, c'était surtout les instances syndicales qui formaient en interne leurs conseillers. Oui. Et aujourd'hui encore, non ? Toujours les organisations syndicales ont des centres de formation. Mais pour être validé conseiller prud'homal, il fallait passer par la formation du ministère de la Justice. Il faut passer par la formation du ministère de la Justice. Alors toi-même, tu es conseiller prud'homal en section encadrement, côté salarié, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Cette carrière, j'allais dire, tu travailles à côté, bien sûr. Alors moi, je suis retraité maintenant, mais j'ai exercé mon activité professionnelle pendant 43 ans. Donc dans la section encadrement, moi, j'étais cadre pendant plus de 20 ans. Donc je suis à même de dire, de juger mes pairs avec les spécificités de l'encadrement. Mais il nous arrive aussi, parce que ce que Maître Rissacher n'a pas mentionné tout de suite, c'est qu'il y a d'autres instances que les cinq sections. Il y a aussi l'instance de référé, où tout le monde est mixé, tout le monde peut être juge en référé, aussi bien un cadre qu'un agriculteur, qu'un patron. Donc là, c'est plutôt de la justice immédiate et tout le monde peut siéger en référé. Donc il y a cinq sections principales et une section, on va dire, de référé qui est la rapidité d'un jugement qui juge ce qui n'est pas contestable. Donc c'est un petit peu l'urgence et la certitude. Voilà, c'est ça. Quand, par exemple, les gens ont besoin d'avoir des papiers, par exemple, une attestation pour l'emploi rapidement, et qui sont au bord du gouffre financièrement, c'est la section qui est appelée à statuer. qui statue relativement rapidement. Normalement, sous 15 jours. Non, non, ça, c'est une notoriété, ça statue rapidement. Après, ce qu'il en devient, après les partis, ce qu'ils en font, sont diligentes ou pas diligentes, ça, nous, on n'est plus en cause après. Oui, d'accord, bien sûr. Hein, y compris parce que souvent, souvent, je pense que des personnes qui ont obtenu une décision favorable du Conseil de prud'homme s'étonnent que, ben, qu'elle n'est pas appliquée. Qu'elle n'est pas appliquée, qu'il faut recourir au recouvrement de ce qu'on appelle des créances, des créances salariales, et ce n'est pas toujours évident. Oui, surtout que, alors là, avec la réforme de la procédure civile, ça va un peu changer. On retrouve le rôle de l'avocat quand même. Mais comment ? On retrouve le rôle de l'avocat. Le rôle de l'avocat, qui peut aider aussi, puisqu'il y a toute une partie exécutoire de plein droit, hein, notamment en matière de salaire. Donc effectivement, lorsque c'est pas... Alors, il faut savoir pourquoi la décision n'est pas exécutée. Soit c'est parce que, en face, je mets à la place d'un salarié, l'entreprise n'existe plus. C'est compliqué, effectivement, là. Il faut saisir un huissier et voir s'il y a un mandataire judiciaire derrière. Soit c'est de la mauvaise foi, tout simplement, parce qu'on a un beau jugement, effectivement, mais on ne peut pas l'appliquer. Donc là aussi, enfin, le rôle de l'avocat est important. Mais les parties peuvent aussi saisir un huissier pour faire exécuter de façon forcée le jugement et réclamer les sommes qui sont dues. Donc voilà, après, c'est sûr que de toute façon, ce sont des jugements qui sont, qui ont un impact énorme, parce qu'il y a forcément une douleur, hein, quand on saisit le Conseil de prud'homme, c'est qu'il y a une souffrance pendant l'exécution ou la rupture du contrat de travail. Et la rapidité est importante. Alors maintenant, devant le bureau de conciliation et d'orientation, on a des mises en état, chose qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Les mises en état permettent quoi ? Permettent de fixer des calendriers de procédure. C'est-à-dire que lorsqu'on passe, il y a toujours une audience de conciliation, hein, ça j'apprends rien à nos auditeurs, donc c'est la phase préalable, une audience de conciliation ou de non-conciliation, mais si on concilie, on signe un procès-verbal de conciliation qui a valeur de transaction. Donc valeur véritablement de protocole transactionnel qu'on peut faire exécuter également. En général, c'est une exécution consentie puisqu'il y a eu une transaction, donc les parties s'exécutent. Souvent, il peut même y avoir remise de chèque directement à l'audience. Hein. Alors là, c'est le meilleur des cas, je dirais, puisque voilà. Après, il y a un calendrier de procédure et c'est renvoyé au bureau. Alors au BCOME, c'est un petit peu du jargon un petit peu difficile, mais on s'est renvoyé en mise en état du bureau de conciliation et d'orientation avec des délais pour communication des pièces et des écritures de chacune des parties. Alors, l'avocat, normalement, se tient à ce calendrier, hein, puisque, en général, quand on a saisi le Conseil de prud'homme, dans la requête, on a déjà mis les pièces. Hein, maintenant, il faut faire directement une communication de pièces. Donc, la partie adverse doit communiquer ses pièces. En général, il y a un délai d'un mois, hein, en fonction de la difficulté de l'affaire. Le souci, c'est que le calendrier n'est pas contraignant. C'est un calendrier indicatif. Mais peut-il l'être ? Oui, le juge a quand même un certain levier pour dire que l'instance doit être réactivée rapidement, puisqu'on peut, dire c'est le dernier renvoi, et puis renvoyer en BJ à une date, et on fixe le dossier là où il se trouve dans l'instant. Oui, quand au bout des mises en état, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Le souci, c'est d'expliquer. J'ai encore eu ce matin un mail d'une cliente. Les situations sont toujours évolutives, forcément. Ça évolue. Par rapport aux arguments nouveaux des uns et des autres. Ah bah jusqu'au dernier moment, c'est vrai que la procédure est en orale. Mais par rapport aux mises en état, c'est compliqué. Parce que quand les clients sont avec nous à l'audience de conciliation, il y a ce calendrier. Et pour les clients, par exemple, moi j'avais des pièces qui devaient m'être communiquées le 31 janvier. On est le 6 février. La cliente ce matin me dit qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour le moment, je peux rien faire. J'attends. Encore, puisqu'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'astreinte. Si on a dépassé le délai, il n'y a rien du tout. À ce moment-là, on attend la mise en état et on voit si les écritures sont communiquées. Alors voilà. Justement, la question que vous voudrez poser. Hein, moi, il fut un temps un habitué des conseils de prud'homme. J'ai oublié de le dire. Hein, en tant que défenseur salarié, défenseur syndical, est-ce qu'aujourd'hui, les nouvelles procédures qui ont été mises en place en 2017, en août 2017, on était en plein mois d'août, entre parenthèses, oui. par Macron, toujours lui, hein, alors qu'il était au gouvernement de... François Hollande. François Hollande, oui, voilà, je cherchais. Est-ce que ça permis de dater les procédures? Alors, vous voulez mon avis? Moi, je vais vous dire que non, parce qu'on a déplacé le problème. Le problème qui se situait au niveau des renvois au bureau de jugement, au moment où les parties devaient comparaître devant nous, juges, les parties demandaient bien souvent un renvoi. Et le renvoi, maintenant, est décalé dans les BCOME ou dans les bureaux de conciliation. Tu évites d'appliquer les abréviations, parce que c'est les vrai. Les bureaux de conciliation et mis en état, où les avocats, après... C'est une stratégie de leur part pour certains. Il y a certains cabinets, je vois ma contradictrice en face. Il y a certains cabinets où on sait très bien que quand on va les rencontrer, c'est pour un renvoi. Ils sont de notoriété publique. Quand on voit arriver certaines têtes devant nous, on sait très bien que c'est pour solliciter un renvoi. Après, est-ce que le Conseil des prud'hommes n'est pas une chambre d'ajustement de calendrier des avocats? Je ne m'y risquerai pas trop, mais j'ai tendance à le penser. Les avocats sont aussi tributaires de leurs clients. Voilà, je vais juste corriger. En particulier, leurs clients patronaux qui essayent de jouer la montre, non ? Là, je pense que c'est... On ne va pas partir de parti pris salarié patronal. C'est des deux côtés. Je pense que les deux parties ont les mêmes, des fois les mêmes intérêts à ce que l'autre... certaines demandes des fois qui sont relativement cocasses des fois. Par exemple, quelqu'un à qui on a fixé un rendez-vous 3 mois ou 4 mois avant nous dit peu de temps avant, je peux pas, je suis aux assises. Son calendrier, c'est à lui de le gérer, pas à nous. Alors, si vous me permettez, je suis d'accord. Il y a certains, je vais être honnête, il y a certains confrères qui sont... je vais être honnête. Certains confrères ne sont pas diligents. Certains sont négligents. Certains font les débordés ou sont débordés, j'en sais rien. On est d'accord. Sauf que, quand on est honnête et qu'on on essaye de respecter le calendrier en tant qu'avocat, on a 3 écueils. Le premier, c'est l'avocat adverse qui vous envoie par mail la veille, en disant, alors que vous, vous êtes un petit peu pris de court, et le lendemain, il faut quand même transmettre au client, quand même. Il faut en discuter. Et 45 pièces, souvent mal imprimées. Donc, on est tributaire du confrère adverse. On est aussi tributaire des clients, parce que quelle que soit la partie, c'est pareil, je ne jette pas la pierre aux clients, mais parfois c'est difficile d'obtenir les documents. On a beau faire une liste de ce qu'il nous faut, alors eux-mêmes ont peut-être du mal aussi, parfois des attestations, c'est pas évident de recueillir un certain nombre d'attestations en bonne et due forme pour une date donnée. Et puis le troisième écueil, c'est nous-mêmes. On se bat contre nous-mêmes et je suis d'accord, mais à culpa, parfois, on gère peut-être mal aussi notre calendrier. Il faut être honnête. Mais par rapport à toutes ces choses-là, quand on est de bonne foi et de bonne volonté et rigoureux, on devrait pouvoir arriver à tenir les délais. Alors, j'ai pas mis tout le monde dans le même sac. J'ai cité certains cabinets qui ont eu une certaine réputation sur le Conseil d'Épine. On ne les citera pas. Par charité chrétienne, je vais dire, on ne les citera pas. Donc, si je résume bien la situation, le bureau de conciliation donc, fixe des délais, s'il n'y a pas eu de possibilité de conciliation. Son but premier, c'est de concilier. Oui, avant sûr. De fixer des délais. Oui, mais le juge a quand même, dans ce bureau de conciliation, un pouvoir de présenter un peu l'instance où les gens vont mettre les pieds. Enfin, pour ma part, ou de prendre des mesures provisoires. C'est toujours comme ça que je fais, en leur disant, par exemple, qu'ils vont se mettre dans une instance qui risque d'être destructrice, longue et coûteuse. Et quelquefois, d'argumenter dans ce sens-là, ça invite un peu les deux parties à essayer de trouver un terrain d'entente pour mettre fin à l'instance et de concilier devant nous. C'est extrêmement rare. Quand c'est possible, parce que parfois, c'est pas possible. Un quantum d'heures sup, si l'employeur dit qu'il n'y a pas eu d'heures sup et que nous, on arrive en disant si, il y a eu des heures sup, on ne peut pas vraiment négocier, parce que sauf s'ils reconnaissent à un moment donné. Il y a des choses, c'est blanc ou noir, on ne peut pas forcément transiger. Moi, je prêche pour le bureau pour la section encadrement. Généralement, il n'y a pas d'heures sup dans les sections encadrement. Il y a des forfaits jours, où là, c'est relativement facile à quantifier, puisque les gens, généralement, les gens ont des ordinateurs, ont des calendriers, ont des agendas, et ils peuvent prouver que tel jour, ils n'étaient pas en RTT, mais ils étaient au travail. C'est relativement facile dans l'encadrement. je ne préjuge pas des autres sections, oui. Parce que c'est un peu plus aléatoire, oui, je pense, oui. Pour noter un peu tous ces aléas d'horaire. Il y a des litiges qu'on peut transiger, parce que la nature même du litige fait que si chacun fait un pas, on peut trouver une issue amiable et un compromis et transiger. Mais il y a des litiges, c'est compliqué, parce que c'est oui ou c'est non. C'est difficile parfois, selon la matière du droit du travail ou le sujet même du litige. Parfois, c'est compliqué. Mais l'essence du code. Les litiges les plus courants au Conseil de Prud'homme? Alors, moi, j'ai parlé de ma section. Oui. C'est bien souvent le cadre qui arrive à la cinquantaine, qui est monté de ses propres. Qui a démarré en bas de l'échelle, qui a force de volonté à grimper dans la hiérarchie, et tout d'un coup, la boîte où il était est vendue et rachetée par un groupe. Et puis là, il ne fait pas partie de l'image du groupe et on cherche à l'évincer. Et généralement, c'est, excusez-moi du terme, j'ai l'impression que c'est le mari cocu. Il se retrouve, il est trompé. Ou la mise au placard. Il est trompé par tout ce qu'il a mis, qui s'est investi dans l'entreprise. Et là, bien souvent, ce n'est pas une histoire d'argent, bien souvent. L'argent vient en compensation, mais c'est une reconnaissance du travail accompli dans l'entreprise pour que celle-ci perdure et soit toujours vivante. Il y a aussi beaucoup de contentieux du licenciement. Est-ce que c'était une faute grave? Est-ce que c'est une simple cause réelle et sérieuse? Est-ce que c'est un motif économique déguisé en faute grave? Est-ce que, bon, des choses comme ça. On a aussi beaucoup de harcèlement. Est-ce qu'il n'y a pas une faute fabriquée, par exemple? Il y a beaucoup de seniors, justement, vous parliez de 50 ans, qui aujourd'hui, pour des motifs fallacieux, sont licenciés. D'un seul coup, ils commettent des fautes graves. Ou ils sont insuffisants professionnels. En réalité, derrière, c'est un motif économique. Sauf qu'on veut pas enclencher tout l'arsenal du motif économique. L'insuffisance professionnelle ne se présume pas, mais elle se prouve. Exactement. Le souci, donc là, pour le moment, moi, j'ai senti une recrudescence de seniors, comme ça, qui, d'un seul coup, n'étaient plus bons à rien, faut dire les choses. Donc ça, c'est compliqué. Voilà. Mais bon, il y a du harcèlement aussi. On parle aussi d'une recrudescence de la précarité due aux ordonnances Macron aussi, hein, en particulier quand même qui a prolongé la possibilité de recourir à des CDD. Mais aussi dans l'air du temps, quoi, c'est-à-dire de plus en plus de précarisation de l'emploi. Et puis de climat, alors je ne sais pas, je n'ai pas de statistiques, je n'ai pas de ressenti, hein, c'est un peu empirique ce que je dis. Je trouve que le climat social dans les entreprises et la souffrance au travail augmentent. Alors on me dit que les rapports sur les risques psychosociaux montrent le contraire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus quand même de difficultés à dialoguer, alors qu'il y a de plus en plus d'institutions, de cellules, de réunions pour faire cette communication. Et j'ai l'impression, de ce que j'entends, que c'est compliqué aujourd'hui de s'épanouir dans son travail en toute transparence, en toute de parler, de communiquer, d'être... Ça devient compliqué. Je reviens à mon sujet de 50 ans. Quand il est racheté par une grande boîte avec des autres méthodes de management, qu'il a connu auparavant, c'était un peu paternaliste, et puis maintenant que ça devient une structure un peu, on va dire, boursière, un peu et qui se retrouve dans ces genres de réunions où les cadres dirigeants sont là pour 3 ans, donc ils prennent en marche le projet de celui-là qui était avant, donc il va dire celui qui a fait son projet était... Franchement, c'était nul, ça ne valait rien. Lui, il va mettre en place un autre projet dont il ne verra jamais la naissance. Mmh. Et ainsi de suite. Mais le seul qui reste, c'est le cadre intermédiaire. Et c'est celui-là qu'on retrouve chez nous, au Conseil des Prud'hommes. Parce qu'il ne sait plus où se situer. Et pourtant, il a l'expérience et le savoir-faire. Et il se retrouve... c'est comme si on y débutait dans la vie professionnelle. Alors, on le dit, des gens hautement qualifiés, avec des diplômes, en veux-tu, en voilà... je ne sais plus faire mon travail. Donc, eux, pour eux, ils sont complètement désorientés, dévalorisés, et c'est là où ils se sentent mal. Et en attrapant un peu d'âge, on attrape un peu aussi d'esprit rebelle quand on est devant ces choses-là, et c'est là où le conflit commence à naître. Oui, oui, c'est vrai. Moi, j'en suis un triste exemple. Oui, il y a ce problème-là aussi. Et... Mais je pense aussi, s'agissant des quinquas, que c'est un problème général, hein, qui recouvre par des sections d'encadrement. C'est-à-dire que si on exclut le problème de responsabilité d'encadrement, on se retrouve souvent avec des personnes qui sont évincées prématurément du travail, parce qu'on juge qu'elles ne sont plus assez performantes. Elles coûtent trop cher. Elles coûtent trop cher, la l'ancienneté. Maître, vous parliez de la faute grave. La faute grave, elle est mise en avant. Pourquoi ? Parce que pour l'employeur qui licencie, généralement, la dégage de toute obligation financière. Oui. Donc, la faute grave pour l'employeur, à la limite, on va dire, c'est le Graal. Si j'arrive à licencier mon salarié qui m'embête avec une faute grave, moi, il ne me coûte rien. Je reprends derrière quelqu'un beaucoup plus qualifié, je vais me modérer, qui a des diplômes beaucoup plus conséquents et que je vais payer moins cher. Mmh. Et ça, je vais le garder 15, 20 ans jusque... Mais on s'aperçoit aussi, et moi, dans ma vie personnelle, je peux le dire moi-même, j'ai des gamins qui sont extrêmement bien qualifiés, mais eux, ils font un turnover dans les entreprises et ils ne restent pas dans les entreprises. Mmh. Dès l'instant qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont... bloqués ou ils ne se plaisent pas, eh ben, ils quittent leur entreprise. Mais c'est pareil, on parle beaucoup de la formation professionnelle continue. Oui. Les anciens, entre guillemets, en tout cas les seniors, sont la mémoire de l'entreprise. Et il faudrait C'était justement un passage de relais qu'on ne fait plus dans les entreprises. Ouais. Avant, les anciens montraient, expliquaient, parce que tout n'est pas dans les diplômes, il y a une grosse formation sur le terrain. Et ça, il n'y a plus. Parce qu'on essaye de couper, ou par jeunisme, j'en sais rien. Enfin, on n'essaye pas de faire cette transition en douceur où les plus anciens passent le relais aux jeunes. Alors, certaines entreprises, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, effectivement. Certaines entreprises le font, mais beaucoup ne se retrouvent pas parce que souvent, on dit bon, tu coûtes trop cher, tu t'en vas, on prend un jeune qui coûte moins cher, mais on ne veut pas forcément le former. On n'a peut-être plus non plus le savoir-faire et l'histoire de la boîte pour former le jeune. Non, mais la formation, c'est du temps, c'est de l'argent. Aussi. Donc maintenant, où les entreprises veulent une rentabilité immédiate, former des gens. En particulier les actionnaires, bien sûr. Oui, mais nous, on va s'arrêter là où on... Au PME. là où on connaît. Mais le problème, il est là, c'est que former quelqu'un, c'est dire je détache quelqu'un avec lui, mais pendant ce temps-là, il n'y a qu'une tâche qui se fait, non pas deux. Oui, mais ça se faisait naturellement avant, j'ai l'impression. Parce que c'était l'esprit paternaliste. Et j'ai travaillé 30 ans pour ma boîte. Après, c'était la boîte de quelqu'un d'autre. Bon, les 15 dernières années que j'ai faites, c'était la boîte de quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Je ne m'étais pas investi comme je m'étais investi dans les premières années. Mm-hmm. Écoutez, à la radio, des tas de personnes ont aussi l'impression que l'on... segmente un petit peu les rôles, hein, c'est-à-dire que il y a une hiérarchie de plus en plus, j'allais dire verticale, oui. et puis une séparation des rôles. Hein, on le voit par exemple dans certaines entreprises où le siège social va être à Paris, la comptabilité à Lille, le service client à Marseille. Enfin, je schématise, c'était une caricature que je fais. Mais on a l'impression aussi que et puis le service réclamation. Non, mais Michel, là, t'es gentil parce que là, maintenant, on parle de mondialisation. Moi, j'étais dans une boîte où les fiches de paye étaient faites en Irlande, le service réclamation était en Inde. Et puis le siège social était à Genève. Oui, donc c'est éclatant. Je parle d'un grand groupe international, d'une multinationale. Mmh. D'accord. Mais bon, il y en a quand même une foultitude en France, quand même. Hein. Qui sévit dans les Vosges. Oui, et ça fait une dilution des organigrames aussi. Plus personne ne trouve sa place aussi dans tout ça. Ben, le problème, c'est que l'individu aime bien savoir pour qui il travaille. Mmh. Mmh. Mais quand on parle, par exemple, du cas de France Télécom, hein, puis de ce qui s'est passé, et puis de la jurisprudence qui, aujourd'hui, est établi par rapport à cette forme de harcèlement moral, on s'aperçoit aussi que c'est une restructuration qui a amené, puis la volonté d'économiser aussi, qui a amené ces situations de harcèlement moral, de burn-out, etc. Je ne parlerai pas d'économiser, Michel, je parlerai de gagner plus pour certains. Oui, c'est aussi. Mon propos est peut-être un peu plus violent que le tien. Et puis d'isoler aussi les salariés qui, on voit bien dans le cas France Télécom, n'osent plus parler, se renferment, passent en burn-out. On voit le taux de syndicalisation où les gens ne se reconnaissent même plus. N'est-ce pas quand même un mal des grands groupes, hein. On le voit aussi dans les hyper, dans les supermarchés, c'est tout ce cloisonnement. Et les gens ne se causent plus. dans le monde du travail. Ils ont des horaires très différenciés quand ils ne ramènent pas du travail à domicile, entre parenthèses. On a l'impression quand même que les relations dans l'entreprise se sont globalement dégradées, quoi qu'on dise. Mais j'ai même l'impression que c'est plus global, que c'est la société. Que les gens ne se parlent plus, ne se regardent plus, ne se respectent plus en vis-à-vis, en face-à-face. On est tous... J'ai rien contre les réseaux sociaux, mais ça doit rester des outils. Ce ne sont pas des espèces de mange-tout qui vont absorber l'individu et l'humain. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le reflet, l'entreprise, surtout les grands groupes, sont le reflet de la société. Et on en est là. C'est chacun pour soi. C'est un petit peu... Allez au restaurant un samedi soir et vous regardez le nombre de gens qui conversent avec leur smartphone, c'est ça. Pas avec la personne qui est en face. C'est affligeant. C'est affligeant. Mais c'est même un manque de politesse. C'est un manque de conversation. C'est un manque... Mais la personne qui est en face d'eux, qui a son smartphone aussi, c'est pas de la politesse. Oui. C'est un mode de fonctionnement. Ben moi, je trouve que ça m'attriste. Moi. Nous, on a un micro entre nous. On n'a pas de smartphone. Non, mais on se voit. Alors justement, revenons au conseil de Prud'homme, on a l'impression que le conseil de Prud'homme, c'est aussi le reflet de la société, bien entendu. Oui, bien sûr. Hein, le reflet de ce qui se passe dans la société et dans la société et dans les entreprises, bien entendu, puisque c'est le juge, le conseil de Prud'homme, c'est le juge du contrat de travail. Comme voilà, c'est ce que je voulais dire. Le conseil des Prud'hommes est uniquement là pour résoudre les problèmes issus du contrat de travail. Donc, on ne voit que la partie laborieuse des gens. On ne voit pas la vie, parce qu'on est 8 heures au travail, donc il nous reste quand même 16 heures à vivre à l'extérieur. Ces 16 heures, on ne les voit pas, mais on a connaissance des 8 heures où il y a le conflit. Et généralement, quand les gens viennent nous voir, c'est que c'est un constat d'échec. Bien sûr. C'est que les gens, dans leur milieu, il y a un échec. Donc à nous d'aider à percer l'abcès et à essayer de résorber l'échec, mais nous, on fait avec le code civil et le code du travail. Bien sûr. Et on n'ira pas plus loin. Et on ne juge pas en âme et conscience. Mais on juge suivant les textes. Parfois, il y a quand même un lien... Suivant les pièces qui... Nos sentiments qui rejaillissent quelque part. On est des êtres humains. Oui. Mais on est quand même... On a un mur avec deux petits livres rouges, enfin deux livres assez épais quand même, rouges devant nous, qui s'appellent le Code civil et le Code du travail. Mais ça reste encore quand même une juridiction à taille humaine où, je ne dis pas qu'on doit tenir compte de la vie privée, mais la relation au travail, on s'aperçoit aussi quand il y a des licenciements pour inaptitude, c'est la maladie, ça touche la personne. Je ne dis pas que c'est la vie privée, parce que ça peut être des accidents professionnels ou des maladies professionnelles. Il y en a. Quand il y a du harcèlement moral, c'est parfois aussi sur un terrain propice parce qu'il y a un divorce, un deuil, des choses comme ça. Donc c'est quand même, c'est ça qui en fait l'intérêt, je pense, le droit du travail, c'est qu'on est véritablement au cœur de la vie des gens. Évidemment, la vie au travail, mais il y a souvent aussi un aspect un peu humain et déjà, privé. Quand vous perdez votre travail, déjà, les ressources financières sont amoindries. Oui. Ça risque de créer des tensions dans les 16 heures qui nous restent à vivre à l'extérieur du travail. Oui. Donc, quelque part, ça rejaillit. Et puis, à un moment donné, la personne qui vient devant nous demander réparation, il y a aussi la réparation financière de cette perte. Donc, on est là aussi pour essayer, on va dire... de remettre un peu de beurre dans les épinards, mais suivant ce que nous, on nous présente comme pièce, comme... Quantifier le préjudice, quoi. Voilà. Oui. Et puis malheureusement, les restrictions qui ont été dictées par le coup de Macron. Voilà. Enfin, on va s'accorder une pause musicale, parce qu'on parle beaucoup, et on a besoin de reprendre haleine, j'allais dire. Thank you. Voilà, nous retrouvons notre magazine juridique de La Parole est à vous avec Nancy, qui je rappelle est docteur en droit, avocate au barreau d'Épinal. Et puis aujourd'hui, comme invité, Jean-Luc Thierry, qui est conseiller prud'homal en section encadrement à Épinal. Ah, c'est le plus proche matin, puisqu'on a fermé malheureusement le conseil de prud'homme d'Hermiremont. Il y a déjà. C'est bientôt. On a dépassé le 10e anniversaire. Oui, j'allais dire 10 ans. Aujourd'hui, de la fermeture du Conseil des prud'hommes. Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que les conseils des prud'hommes font partie des tribunaux d'exception au même titre que la cour martiale. On est quand même des choses un peu à part dans la République. Depuis 1979, c'était le gouvernement Giscard d'Estaing à l'époque qui a voulu, sous la pression des syndicats, donc rénover complètement le Conseil des prud'hommes et puis le rendre beaucoup plus. J'allais dire attractif, accessible aux salariés. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que la complexité des procédures aujourd'hui fait que c'est de moins en moins accessible aux salariés et aux représentants des salariés qui sont les défenseurs prud'homales. Je sais que personnellement, j'ai été particulièrement écœuré par la nouvelle mouture des conseils de prud'hommes. Donc, avoir un salarié lambda pourrait présenter ses litiges directement au conseil des prud'hommes et être entendu. C'était le cas dans l'esprit de la loi de 1979 et 82. Maintenant, il y a tout un processus avant l'instance où le salarié qui demande des comptes est obligé de préparer quasiment un dossier complet. Oui, avec une requête en bonne et due forme, en exposant ses motifs, ses pièces, en numérotant ses pièces. Alors qu'avant, la procédure est entièrement orale, c'est complètement caduque. Oui. Et moi, je m'élève contre parce que tout le monde ne sait pas lire et écrire. Et on s'en rend compte, peut-être pas trop dans ma section, mais j'en entends parler autour de moi. Tout le monde n'a pas la faculté d'écrire en français et de savoir et lire et écrire et en français. Et puis de savoir rédiger quelque chose, quoi. Oui, mais justement, les défenseurs syndicaux, les avocats, L'essence de la prud'homale, c'était le contradictoire, c'était l'oral, l'oralité des débats. Bien sûr. Et ça, on est en train de le perdre, et je pense qu'on perd en rapidité. Malgré que je conseille toujours de prendre les conseils d'un avocat, parce que la justice était tellement complexe maintenant que le citoyen lambda qui se présente tout seul est quand même en porte-à-faux vis-à-vis de la partie adverse. Et puis on a quand même de la documentation, de la jurisprudence, on peut quand même aiguiller et étayer le dossier. Alors, quoi. Moi, je voudrais donner un conseil, si je peux, c'est d'arrêter d'aller chercher le texte qui nous convient sur Internet. Parce que Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Il faut savoir l'analyser. On prend celui qui nous intéresse le plus. Et généralement, ce n'est pas trop le bon. Alors, prenez conseil auprès des professionnels du conseil et non pas sur je ne sais quel site sur Internet qui va vous dire vous avez le droit et vous allez vous présenter devant nous et vous allez vous apercevoir que vous avez ça ne s'applique pas tout à fait le droit. Oui. Et puis cet arrêt ne s'applique pas parce que le cas d'espèce est différent, la problématique juridique est différente. Et puis la législation a changé. Je pense que contrairement à ce qui a pu être dit, y compris dans les médias, la nouvelle mouture du Code du travail a plutôt complexifié les choses. Plus que de les simplifier. Ça a simplifié du côté patronal, mais ça a complexifié du côté salarial. Ben là aussi, je vais avoir une réponse où, de toute façon, le droit est en train, sous prétexte d'être plus accessible, d'être de plus en plus inaccessible. La réforme de la procédure civile qu'on vient de nous mettre en place avec des décrets entre Noël et Nouvel An quand même, hein, avec des erreurs dans les décrets, avec des problèmes d'application de cette procédure civile, n'a rien du tout d'une simplification et d'une facilitation de l'application du droit. Ça, c'est clair. Alors, je ne sais pas si c'est une volonté politique, je ne sais pas si c'est pour embêter les avocats et voilà, mais en tout cas c'est problématique aujourd'hui. Je pense que le calendrier n'est pas anodin entre Noël et Nouvel An. On pense plus aux foie gras et aux huîtres qu'aller regarder les textes. Paradoxalement, il y a eu une formation organisée par le barreau d'Épinal le 23 décembre, hein, donc deux jours avant, justement à chaud sur cette réforme. Sauf que par rapport aux mentions obligatoires, par rapport à toutes les incertitudes qu'il y avait encore dans ces décrets, au mois de janvier, il n'y a pas eu d'assignation. On ne pouvait pas assigner, puisqu'on avait déjà cette réforme du tribunal judiciaire, plus différentes répartitions du contentieux, plus des mentions obligatoires qu'il faut indiquer. On n'avait pas assez de recul. Et aujourd'hui, c'est un mois. Alors évidemment, c'est tombé. Il y a eu la grève en plus, parce que la surcouche dans les réformes, c'était la réforme sur la retraite. Mais aujourd'hui, on n'a pas pu assigner au mois de janvier. Alors après, on va nous dire qu'on retarde. La justice est retardée à cause des avocats. C'est faux. C'est faux parce que là, en l'occurrence, c'était les textes qui ne nous ont pas permis d'être prêts et d'être suffisamment rigoureux pour assigner correctement en janvier. Oui, je crois que là, effectivement, les différentes réformes de la justice aujourd'hui complexifient les situations, rend plus aléatoire l'accès à la justice que ce qui se passait avant, quoi. Oui. Même si ces fameux tribunaux de proximité auront un nouveau rôle, je crois que là, même l'exécution provisoire des décisions... C'est en très contestable, hein, parce que ça va retomber sur les plus vulnérables. Bien sûr, hein. Et là, ça va être difficile, parce que là, quand même, une majorité des affaires prud'homales vont en appel. Oui, je n'ai pas les statistiques, ça dépend aussi des conseils prud'homaux. Je crois que c'était les derniers 60%, ouais. Pratiquement. Oui. Enfin, oui. Moi, je vais parler pour ma section, oui, c'est 60%. Mais bon, les sommes seront extrêmement conséquentes. Alors, est-ce que c'est une stratégie pour pouvoir provisionner pour les gens qui ont besoin de provisionner? Après, nous, on a le retour après, mais ce qui se passe entre les deux, entre nous et la cour d'appel, on ne sait pas. Oui, le problème, c'est que le deuxième degré de juridiction, c'est quand même c'est constitutionnel et c'est une voie de droit qui aujourd'hui est de plus en plus obstruée par ces réformes. D'abord, elle est obstruée par les difficultés générées par les nouvelles procédures. Oui, oui. Hein, il fallait même déposer ses conclusions à la cour d'appel. J'ai connu ça. Oui, oui, oui. Hein, directement. Donc, ça oblige à des déplacements, ça oblige à des frais aussi pour vous. À des frais, bien sûr. À des frais beaucoup plus importants pour les personnes. Hein, et puis également, bien sûr, une lourdeur énorme dans la procédure. Hein, alors qu'avant, l'accès à la cour d'appel était libre. Et aujourd'hui, l'accès va être encore d'autant plus risqué qu'il y a des exécutions provisoires qui vont être faites. Alors pour une entreprise, bien sûr, une exécution provisoire, ça ne représente pas grand-chose financièrement. Mais si c'est un salarié, pour le salarié, ça représente beaucoup. Quoique, là, je vais défendre les entreprises, des petites entreprises qui, lorsqu'il y a une condamnation prud'homale, mettent la clé sous la porte quand même. Hein. On est quand même dans les Vosges, il y a beaucoup de PME, alors, ou des artisans. Ça rentre quand même dans notre réflexion pour établir un jugement, la taille de l'entreprise, si elle est financièrement capable d'assurer aussi. C'est pas le tout de condamner une entreprise pour un salarié et qu'il y en ait 10 ou 12 derrière qui se retrouvent Tout à fait. On a quand même un devoir de responsabilité par rapport à ceux qui restent. Alors, c'est vrai que si la souffrance du salarié était telle qu'elle mérite quand même un dédommagement substantiel. Alors, on essaye toujours de ménager la chèvre et le chou. Mais il y a des moments donnés aussi, il faut qu'on prenne des décisions. Ce n'est pas les plus faciles à prendre, hein, celle-ci. Non, parce que des deux côtés, il y a des difficultés. Le salarié qui gagne son procès a droit à certaines compensations. Mais est-ce que ce n'est pas au détriment de ses collègues qui vont aussi perdre leur emploi? Parce que l'entreprise où elle est n'a pas les fonds suffisants pour payer. Bien sûr, n'a pas la trésorerie et les reins assez solides pour affronter un jugement comme ça. Alors... Pour moi, c'est le cas le plus difficile. Juger une multinationale. Mais puis avoir des petites entreprises qui font des, véritablement de l'argent, des bénéfices monstres, et puis d'autres qui sont déjà en difficulté. Oui, mais il y a de tout. Et dans les Vosges, il y a beaucoup de PME quand même qui tremblent quand il faut sortir de la trésorerie quand même, hein, parce qu'il faut dire les choses, c'est la réalité économique. Donc, Quand on voit les bulletins de salaire de certains cadres, ça ne va pas très au-dessus d'un salarié un peu spécialisé, quoi. C'est pas une région qui est extrêmement riche au niveau des salaires distribués, des boîtes qui font fortune. Je sais pas, moi j'en connais pas beaucoup dans des petites PME. Hein. Je parle pas des multinationales. On a tendance à dire que la matière grise par ailleurs, quoi, parce que elle est mal payée dans les Vosges. Oui, hélas. Dieu sait qu'il faudrait bien qu'elle reste ici quand on voit le temps magnifique qu'on a avec un ciel bleu. Et puis une gelée à -5. Mais bon. Les studios de Guémozo sont bien chauffés. Voilà. On a encore beaucoup de choses à dire, hein, parce que je voudrais revenir quand même au conseil de prud'homme. On a beaucoup, non pas débordé, parce que je crois que le conseil de prud'homme, c'est la vie quotidienne des salariés, parce que tout un chacun peut se dire qu'un jour ou l'autre, il sera obligé de recourir au conseil de prud'homme. Oui. D'ailleurs, le titre de l'émission que j'ai cité plus tôt, là, c'est « Ça se terminera devant le conseil de prud'homme hein. ». Ça finira devant le conseil de prud'homme. C'est vrai que les conflits n'ont pas diminué. La complexité des procédures a fait que... Il y a moins d'affaires quand même au prud'homme aujourd'hui. Hein. On a coupé le robinet quelque part, mais c'est beaucoup de salariés qui ne peuvent plus aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, parce qu'ils n'ont pas les moyens intellectuels, de se faire rendre justice devant la juridiction prud'homale. Moi, je tiens quand même à préciser que quand vous vous présentez devant un conseil de prud'homme, vous vous présentez devant des hommes dont ce n'est pas le métier de rendre la justice. C'est des hommes qui sont issus du milieu du travail, qui connaissent un peu vos problématiques. C'est pour ça qu'il y a des sections. C'est judicieux d'avoir des sections? Parce que je citais tout à l'heure en aparté avec Jean-Luc le cas, par exemple, d'un employé SNCF qui avait été en section commerce et qui va avoir à juger le dossier d'une personne qui travaille dans un supermarché. Est-ce que véritablement cette personne-là, ce conseiller, est mieux armé que celui de l'industrie dont l'épouse travaillerait par exemple dans un supermarché? Est-ce que ce n'est pas complexifier le fonctionnement du conseil de prud'homme? D'ailleurs, la plupart des justiciables n'y comprennent rien. Le pourquoi de ces sections? Je pense que c'est quand même une spécialisation par rapport aux conventions collectives. On pourrait parler de la section encadrement, d'accord, ça peut être une spécialisation, parce qu'il y a souvent des conventions collectives qui sont L'encadrement, sans vouloir faire cocorico, hein, on est quand même la charnière entre le patron ou la direction générale et l'étage en dessous. C'est-à-dire qu'on est des petits patrons. Un peu, mais on est encore des ouvriers, quoi. Alors, est-ce qu'on arrive à faire le lien, quand même? Oui, mais pour les autres sections. Je pense qu'il faut quand même une spécialisation dans le sens où le droit du travail, on l'a dit, c'est complexe. Et chaque branche et chaque convention collective est différente. Alors ça donne quand même une teinture, peut-être, quand même, par le biais de ces sections. Après, concrètement, je ne sais pas. Je ne suis pas conseillère prud'homale. Je ne sais pas derrière comment ça se passe. Et moi, je n'ai pas d'avis figé sur le sujet. Parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Ça ne me paraît pas aberrant. Alors, vu de l'extérieur, peut-être que c'est peut-être un peu choquant. À voir. Moi, ce que je tenais à dire, c'est que la justice prud'homale peut paraître long au justiciable. Mais par contre, le temps consacré, et c'est du temps de réflexion pour les juges, bien souvent, où on essaye de rendre une justice juste. Et j'insiste sur le mot juste, je mettrais presque une majuscule au mot juste, parce que même si des fois, il y a des gens qui se trouvent lésés, nous, on prend parti pour personne. Quand on délibère à 4, donc 2 employeurs, 2 salariés. Et c'est la proposition du bureau de jugement. Et il faut qu'on trouve un compromis pour une décision. Donc, on est obligatoirement 3 à prendre la même décision. Si jamais on est en contradiction, 2 contre 2, par exemple. On a affaire à un juge professionnel. Et c'est là où on se rend compte, et je ne suis pas d'accord avec toi, Michel, c'est quand un juge professionnel qui n'a jamais exercé dans le privé, qui a toujours été un cursus, on va dire, de fonctionnaire, émet une décision, bien souvent, ça ne satisfait aucune des deux parties. Bien sûr, parce que là on... Un juge professionnel, pour moi, fait du droit, mais ne s'est jamais levé à 5 heures du matin avec un enfant qui a pleuré toute la nuit, et puis un employeur qui a reçu une feuille d'URSSAF qui ne lui plaît pas et qui va lui casser les pieds toute la journée. Ça, je pense que ça ne fait pas partie de leur cursus. Mais nous, on le vit. Et on sait que, par exemple, une femme qui a eu des enfants qui ont pleuré toute la nuit, et le lendemain matin, qui a un chef retort, et puis qu'elle se prend le chou avec, il faut aussi comprendre un peu les choses. Oui. Vous m'excuserez auprès de... J'ai un sentiment par rapport à ça. Mais je pense qu'il faut, il faut effectivement... Vous êtes aussi face aux réalités. C'est une juridiction où on est sur le terrain, ça c'est sûr. Après, je pense qu'il faut des deux. Il y a l'appréciation juridique, d'où les formations, d'où la culture quand même juridique qui est indispensable. Et puis, il y a l'appréciation du terrain. Et c'est ce mélange-là qui en fait la particularité et qui fait que ça reste une justice proche des gens. Humaine, voilà. Et ça, je pense qu'il faut le conserver tout en gardant justement cette propension à viser. Alors, juste, c'est un grand mot. Où est le juste? Est-ce que la justice est juste? Ça, c'est de la philosophie. On pourrait faire un autre débat sur la philosophie. Mais en tout cas, aboutir à un jugement équitable, on va dire, et viser le côté équitable des choses pour ne léser personne. Mais ça, c'est très difficile, effectivement. Alors, je vais revenir à l'origine du Conseil des prud'hommes. C'est la conciliation. Avant de paraître devant nous, essayez de vous concilier ensemble. Ça représente 5% des affaires, mais la conciliation. Je suis obligé de le dire, parce que c'est la jeunesse du Conseil des prud'hommes. Les intérêts sont quelquefois tellement divergents. La souffrance du salarié est telle que c'est difficile d'arriver à un accord. Et puis, bien sûr, le parti employeur essaye quand même d'économiser le plus possible sur les conséquences d'un licenciement. Pas forcément dans ce sens-là, mais souvent, ça vient trop tôt. Parfois, on peut concilier jusqu'à la veille du bureau de jugement, voilà. Jusqu'à 2 minutes avant de plaider. Oui, voilà. Mais parfois, en bureau de jugement, il y a aussi cette dimension psychologique où il y a le traumatisme. Parce que des deux côtés, moi, je ne vais pas faire de parti pris employeur-salarié. Il y a un échec. C'est ce que je disais en préambule. Oui. Il y a un échec. Donc, cet échec-là, il faut le digérer. Donc, quand on arrive des fois, c'est très bien que les dates soient rapprochées, mais c'est trop tôt. Parce qu'il n'y a pas eu de maturation, il n'y a pas eu de digestion du traumatisme. Et parfois, en cours de procédure, et c'est aussi le rôle des défenseurs syndicaux et des avocats, c'est de dire, est-ce qu'on met sur la table et est-ce qu'on peut transiger? Et des fois, on arrive quand même, heureusement, à des transactions en cours de procédure et on se décide devant le bureau de jugement. Mais c'est pas parce qu'on a, ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on n'a pas concilié devant le BCO que c'est mort et qu'on transigera pas. Je pense que le devoir du juge, c'est d'exposer les difficultés dans lesquelles les gens se engagent. Oui. C'est destructeur, une instance, devant un bureau de jugement. Enfin, devant des juges. Devant un tribunal, oui, c'est destructeur. Hein. C'est destructeur au niveau financier, stressant, au niveau familial. Pour l'employeur qui est mis en cause, c'est pareil. Oui, c'est les deux côtés. Il faut aussi présenter la difficulté où les gens vont mettre les pieds. Et ça, je pense que c'est le rôle du juge, de dire en bureau de conciliation... essayer de trouver un terrain d'entente, nous, on va l'entériner. Mais là où... Moi, par exemple, dans mon entreprise où je travaillais avant, on a mis en place une instance. Elle a duré 8 ans. Oui, mais c'est usant. C'est épuisant. La personne qui était au cœur de la personne était encore au travail. Donc elle avait l'employeur tous les jours devant lui. Et tous les jours, il fallait faire bonne figure. Et il en est ressorti miné. Ah oui. Miné. Oui, oui. Donc, alors, c'était une bonne justice, puisque ça a fait un cas d'école. Ça a été un cas d'école, puisque ça allait jusqu'à la Cour de cassation. Mais c'est pour la personne qui n'est pas dans le milieu de la justice, c'est destructeur. Oui, je veux bien croire. Et puis, les personnes en filigrane, c'est les instances, les étapes, les échanges de conclusions, etc. On ne vit pas sereinement quand on a un contentieux en cours. Je disais toujours aux personnes qui venaient me demander conseil ou que je défendais qu'il fallait qu'ils pensent à se reconstruire non pas perdre de vue leur dossier, bien sûr, hein, parce que l'apport de la personne dans un dossier, c'est fondamental, ah oui, hein, pour sa propre défense, mais qu'il fallait parallèlement que ça, qu'ils ne considèrent pas ça comme un échec et qu'ils se reconstruisent, parce qu'autrement, c'est vrai que pour un salarié qui perd son travail, c'est très, très douloureux, c'est très, très traumatisant. Hein. Et ça, je peux parler d'expérience défenseur prud'homal pendant 30 ans environ. Et ça, il perd son identité, ça, il perd ça confiance. Jamais, ça n'est jamais quantifié et ça n'est jamais compensé. Hein. Dans le préjudice moral, quand même, dans tout ce qui est prêt. Mais c'est difficile de traduire. Jamais compensé que, oui, financièrement. Oui, hein, c'est difficile. Bien sûr, l'argent n'est pas tout. Le quantum, on va dire, c'est le sucre qui fait avaler la pilule. Hein. Oui, voilà, c'est une compensation un peu maladroite. Enfin, alors, qu'est-ce que... Oh, ben, parce qu'il nous reste très peu de temps. Alors, je signe à Christopher un petit coup pour ouvrir sa vitre. Il paraît que le travail, c'était la santé. J'ai oublié de le mentionner, c'est lui qui assure la technique de La Parole est à vous, de ce magazine juridique. Il nous reste... Moins de 3 minutes. Moins de 3 minutes. Moins de 3 minutes, alors on va être obligé de conclure, hein, désolé. On a encore beaucoup de choses à dire, je pense qu'on se retrouvera un jour quand même. Ah, parce qu'il faudrait parler aussi de cette évolution, là, un peu effleurée, hein, quand même, qui complexifie les procédures, qui fait qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de salariés qui saisissent le conseil de prud'homme, d'une part, et puis d'autre part, on peut avoir des perspectives que demain, bah, cette institution particulièrement utile, particulièrement prête de la vie des gens, de la vie au travail, se transforme en une institution comme une autre, c'est-à-dire avec des juges professionnels, etc. Il y a cette crainte pour l'avenir. Hein. On n'a pas un historique de 200 ans sans avoir une utilité quelque part. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Malheureusement, j'ai l'impression que de réforme en réforme, que ce soit le rôle de la justice prud'homale, régresse globalement. Alors moi, ce que j'aimerais, au risque de paraître un peu naïve, c'est que certes, les conseils de prud'homme perdurent parce que leur utilité est éprouvée et ils sont nécessaires, mais est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer en amont les relations du travail? Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler aussi sur la prévention? Parce qu'aujourd'hui, si on arrive devant le conseil de prud'homme, encore une fois, c'est qu'il y a eu un échec dans l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout miser aussi sur davantage de dialogue, davantage de transparence, cette compréhension? Je pense qu'on a oublié une chose, c'est que sans vouloir jouer les vieux chevaux de retour, à mon époque, il y avait une partie de l'éducation nationale qui s'appelait législation du travail. Oui. Et ça n'existe plus. Mmh. C'est-à-dire qu'on parle des prud'hommes comme un exutoire ou un peu, ça va être le punching ball et tout. Alors que non, si les futurs travailleurs avaient quelques notions de législative du travail, leurs droits et leurs devoirs, déjà, ça tempérerait un peu les frictions. Mmh. Et puis, peut-être les faire un peu plus étoffés que moi je l'ai connu à une époque. Oui, oui, c'est tout à fait d'accord. Voilà, on aura encore beaucoup de choses à dire. Hein. J'espère qu'on a laissé la portée de nos auditeurs. Je vous remercie tous deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et puis à en toi. Particulier ma collaboratrice. Je l'ai dit. Merci à toi, Michel. Merci. Et Christopher qui a assuré la technique. Et je vous souhaite une très très bonne fin de journée à tous et à toutes. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous, qui sera le magazine Santé.